الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc notre cours de Kitab Qurrat Uyun al-Muwahhidin, qui est le sharh de Kitab al-Tawhid. C'est le sharh du petit-fils de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui s'appelle Abdurrahman ibn Hassan. Et avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il fait le commentaire du sharh. Et donc c'est vraiment bénéfique, très, très intéressant, très bénéfique. Parce qu'il y a, bien entendu, dans le sharh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, beaucoup de citations des ulama, des citations des grands ulama. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ses citations et il fait des commentaires sur ses citations. Donc, ça rajoute beaucoup plus de compréhension, de clarté, puis ça rend le livre vraiment extrêmement bénéfique. Donc, pour la compréhension, on est dans le chapitre Bab Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-Dhunub, c'est-à-dire le mérite du tawhid et ce qu'il expie comme péché, qu'est-ce qu'il efface comme péché. Et dans ce chapitre, on a lu au début plusieurs hadiths, plusieurs versets et plusieurs hadiths. Donc on est toujours dans l'explication du premier hadith que le cheikh avait cité de Abdurrahman ibn Samit, Ubadat ibn Samit, pardon, radiyallahu anhu, dans lequel il dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Donc ce hadith de Ubadat ibn Samit, dans lequel il mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, et il n'a aucun partenaire, sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et qui témoigne que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et une parole qu'il a mis en Maryam et une âme qu'il a créée, de même que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait fait comme action. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on a expliqué plusieurs parties de ce hadith, donc on continue maintenant avec la suite, Inch'Allah. Donc on était en train d'expliquer la partie du hadith où il dit wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. On a expliqué la partie du hadith où il dit que qu'il faut témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et on a expliqué qu'est-ce que ça signifie de dire qu'on croit en le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit le serviteur et le messager d'Allah. On a commencé à expliquer ça. Donc on va continuer dans l'explication. Donc le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, donc si vous voulez je peux revenir un peu en arrière, il dit wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ay shahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ay bi sidqin wa yaqin wa dhalika yaqtadi ittiba'uhu wa ta'zimu amrihi wa nahyihi ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم وأن لا تعارض بقول أحد لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسي به. Donc le cheikh expliquait, comme on l'avait lu au dernier cours, que lorsqu'il dit et que Muhammad est son serviteur et son messager, ça signifie qu'il témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager, c'est-à-dire qu'il témoigne de ça avec sincérité et avec certitude. Et ça implique quoi? Ça implique que tu dois suivre le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois suivre son exemple. Tu dois le suivre dans sa façon de faire ses adorations, dans sa façon de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit le suivre, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on va être capable nécessairement d'atteindre son degré ou son niveau, parce que personne ne peut arriver au degré ou au niveau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni dans sa foi, ni dans sa perfection, de sa façon d'adorer Allah, parce que c'est un messager et un prophète d'Allah. Donc son degré, il est inégalable. Toutefois, on est capable de le suivre dans son exemple en essayant le plus possible, le maximum, de lui ressembler dans le sens de faire les actes d'adoration qu'il nous a enseigné et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala de la façon qu'il nous a montré et de la manière qu'il nous a expliqué. Et de respecter, le Cheikh dit, « wa ta'zimu amrihi wa nahyihi », c'est-à-dire de respecter ses ordres et ses interdictions. Donc, qu'est-ce qu'il a ordonné? Tu dois le respecter, tu dois le mettre en application. Et qu'est-ce qu'il a interdit? Tu dois également t'en abstenir. De la même manière que tu dois t'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans le Coran, ou de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran, eh bien, si tu trouves dans la sunna un ordre ou une interdiction, eh bien, c'est la même chose que si c'était dans le Coran. Tu dois avoir pour l'ordre et l'interdiction du messager autant de respect que si c'était dans le Coran, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas selon les désirs ou la passion, c'est une révélation qui lui est révélée. Donc quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam explique quelque chose, ou il ordonne quelque chose, ou il interdit quelque chose, eh bien on doit le considérer comme si c'est un ordre qui était mentionné dans le Coran. Puisque dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne que sa parole est une révélation et il nous ordonne de lui obéir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Et comme on l'avait lu au dernier cours, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, alors abstenez-vous-en. Donc ça veut dire qu'on est ordonné par Allah d'obéir au messager. Et ça implique bien entendu de suivre sa sunna. Et il dit ensuite, donc « waluzumu sunnatihi », c'est-à-dire de rester accroché à sa sunna et de suivre ce qu'il nous a enseigné dans sa sunna. Wa an la tu'arad bi qawli ahad. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'opposer la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam par la parole de quiconque. Donc si par exemple on trouve quelque chose dans la sunna, que ce soit un ordre ou une interdiction ou une information à propos d'Allah et de sa religion, on n'a pas le droit d'opposer cette parole par la parole de quiconque parmi les êtres humains, peu importe qui il est. Que ce soit un cheikh ou un alim, un savant de la religion, que ce soit un imam parmi les imams de l'islam, que ce soit même si c'est par exemple quelqu'un, un homme politique ou un philosophe ou un penseur ou un scientifique, parmi les hommes de la science naturelle ou des choses comme ça, peu importe qui il est, on n'a pas le droit d'opposer la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam à la parole de quiconque. Et il dit لِأَنَّ غَيْرَهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَى, parce que quelqu'un, n'importe quelle autre personne, il peut se tromper, il peut faire des erreurs dans ce qu'il dit, tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enseigne et lorsqu'il parle de la religion d'Allah, Allah le protège, Allah le préserve de faire toute erreur. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans la transmission de la révélation et de la religion d'Allah, il est infaillible, il est protégé de l'erreur, donc il ne peut pas se tromper dans ces questions là et nous avons été ordonnés de lui obéir et de le prendre comme exemple et modèle. Ensuite, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit wal wa'idu ala tarki ta'atihi bi qawlihi ta'ala wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. L'aya. Donc le Cheikh il dit il y a également la menace pour celui qui abandonne son obéissance, c'est-à-dire qui cesse d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cette menace, c'est dans le verset 36 dans sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager est décidé d'une chose ou est jugé d'une chose, qu'ils aient encore un choix dans leur façon d'agir. C'est-à-dire que toi tu es un mu'min, n'est-ce pas? Ou bien si tu es une femme, si c'est quelqu'un qui est une femme, alors elle est une croyante, une mu'mina. D'accord? Donc si on rentre dans cette description de mu'min et on se dit soi-même, je suis un mu'min, une femme, elle dit d'elle-même, elle est mu'mina. Donc ce verset-là, ça s'adresse à elle ou à lui, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne ça pour nous faire comprendre un principe très important. Et ce principe-là, c'est que lorsque Allah et son messager ont jugé d'une chose, peu importe cette chose, lorsque Allah et son messager ont décrété quelque chose dans la religion, eh bien, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante d'avoir encore un choix dans son comportement, ou dans sa façon d'agir, ou dans sa croyance. Le croyant doit se soumettre et obéir. Et c'est ça la signification même d'être un musulman. Parce que le mot « muslim », ça implique que tu te soumettes, parce que ça vient de « al-istislam ». « Al-istislam » qui veut dire « la soumission ». Et la fin du verset, et c'est là qu'il y a c'est là où il y a la menace, comme le cheikh il l'a mentionné, d'abandonner la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et son obéissance. Il dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Yani, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors il s'est certes égaré d'un égarement évident. D'un égarement évident. Donc, peu importe qui, du moment qu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, il est dans l'égarement, il est dans le dalal. Il est dans le dalal. Bien entendu, l'égarement, il peut être de différents degrés. Quelqu'un peut être égaré de différents degrés. De la même manière que quand il est guidé, il peut être guidé de différents degrés. Et donc, nous, en tant que musulmans, c'est certain que on a une part de la guidance. On a une part de la guidance, pourquoi? Parce qu'on est musulmans, on a accepté l'islam. Donc, on croit au Coran, on croit en la sunna. Et malgré ça, à chaque prière qu'on fait, et dans chaque fois, chaque raka'a, on récite dans la Fatiha, en demandant à Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Donc pourquoi on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin si on est déjà guidé? Eh bien, la raison de ça, c'est parce que la guidance, elle a différents degrés. Et donc, quelqu'un qui est déjà guidé peut augmenter en guidance et peut ajouter de la guidance à sa guidance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى. Allah subhanahu wa ta'ala augmente en guidance ceux qui ont été guidés. Donc tout ça, c'est la preuve que il y a des degrés de guidance, et s'il y a des degrés de guidance, eh bien il y a également des degrés d'égarement. Et donc si on dit par exemple que quelqu'un est égaré, eh bien ça peut être un égarement total, ou bien ça peut être un égarement partiel. Donc c'est relatif, l'égarement est relatif. Si c'est du kufr ou du shirk majeur qui ont fait que cette personne-là soit égarée, alors là c'est quelqu'un qui est dans l'égarement total. ou bien si c'est du nifaq majeur, alors ça aussi c'est un égarement total. Toutefois, si c'est quelqu'un par exemple, son égarement c'est une bid'a, eh bien ça dépend du degré de la bid'a. Ça peut être une bid'a mukaffira, ça peut être une bid'a qui est shirkiya. Donc dans ce cas-là, ça va rentrer dans l'égarement total. Toutefois, ça peut être une bid'a qui est ma'siya, qui est un péché, ou qui dépasse pas le degré de kufr et de shirk. Dans ce cas-là, c'est un égarement qui fait que yani, la personne a un degré d'égarement, mais qui ne le fait pas sortir de l'islam. Dans d'autres cas aussi, quelqu'un peut avoir des péchés parmi les kaba'ir. Dans ce cas-là, il a désobéi à Allah et à son messager, et son égarement sera aussi relatif. Et s'il a commis des sara'ir, des petits péchés, eh bien aussi il a une part d'égarement dans ça. D'accord? Donc ça c'est très important de comprendre. Et également le verset que l'autre verset que le cheikh a mentionné par rapport à la menace, il dit وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 66 dans sourate An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala il avertit toute personne qui contredit l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il risque d'être frappé ou touché par une fitna, ou d'être touché par un châtiment douloureux. Et les ulama ont expliqué ce verset-là et on va l'expliquer quand on va lire le charh et l'explication. Et c'est un verset donc très important. Ces deux versets-là sont très très importants. On va lire maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ces versets. Donc par rapport au verset dans Surat Al-Ahzab, le verset 36 qu'on a lu, Cheikh Al-Fawzan il dit أوجب الله عز وجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوجب طاعته سبحانه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومعصوم عن الخطأ وتجب طاعته بكل حال من غير توقف ومن غير شك في قوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il commence en expliquant que Allah a ordonné et a rendu obligatoire d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière qu'il a rendu sa propre obéissance obligatoire aussi. C'est-à-dire, de la même manière qu'il a ordonné aux gens de lui obéir à lui, il a ordonné également d'obéir à son messager. Il dit parce que le messager est celui qui transmet le message d'Allah. Donc quand le messager parle, c'est pas de lui-même qu'il ordonne les choses, c'est Allah qui lui transmet cet ordre-là et ses ordres et ses obligations-là. Donc si on obéit au messager, on a obéi à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit "Wa man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah." Celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. وَمَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَأِ وَمَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَأِ, c'est-à-dire il est protégé par Allah de faire une erreur dans ce domaine-là et dans la transmission de la révélation. وَتَجِبُ طَاعَتَهُ, et c'est obligatoire de lui obéir dans toutes les situations, dans tous les cas, sans hésitation et sans aucun doute. On n'a pas le droit même de douter en sa parole. Ensuite, il dit وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى وُجُوبِ طَاعَتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا مَوْصُولَةٌ مِنْ سِيَغِ الْعُمُومِ أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, أي فَاقْبَلُوا كُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, أي اتركوا كل ما نهى عنه الرسول وقال صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ومن يطع الله فقد ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وقال تعالى وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وقال عز وجل واطيعوا الله لعلكم ترحمون الى غير ذلك من الايات فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب لا خيار فيه. Donc le cheikh il explique maintenant les preuves dans le Coran d'obéir au messager, comme j'en avais mentionné tout à l'heure le verset 7 dans sourate Al-Hashr, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Le cheikh explique que le terme dans le verset وما, ما en arabe, يعني lorsqu'il est employé يعني dans le sens de celui, hein, ou ce, ma mausoula, dans ce cas-là, ça veut dire que ça, dans ce cas-là, c'est employé dans le sens de la généralité. C'est-à-dire, ça englobe toutes les choses qui sont comprises par le verset. Ma atakum rasoul, c'est-à-dire, c'est indéfini. C'est pas certaines choses que le messager vous ordonne ou vous donne, prenez-le. Il a dit ma atakum, c'est-à-dire peu importe qu'est-ce qu'il vous donne, peu importe qu'est-ce qu'il vous, qu'est-ce qu'il vous donne, prenez-le. Hein? Ça veut dire que c'est général. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limitation à ce qu'on doit prendre du messager. On doit prendre tout ce qu'il nous donne. Et quand Allah dit fakhudhuhu, c'est-à-dire accepter tout commandement qui vient du messager sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est général. Et il dit wa ma nahakum anhu, et ce encore une fois yani c'est général, hein, ça veut dire il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'exception. Tout ce qu'il vous interdit de faire, abstenez-vous-en, délaissez, hein, tout ce qu'il vous a interdit. Et il cite également comme verset le verset 80 dans sourate An-Nisa que j'ai mentionné tout à l'heure. Et celui qui a obéi au messager a certes obéi à Allah. Donc l'obéissance du messager fait partie de l'obéissance à Allah. Et donc le contraire est vrai également. Le contraire est vrai également, c'est-à-dire quiconque désobéit au messager, eh bien il a certes désobéi à Allah. Hein? Il dit ensuite dans le verset 54 dans sourate An-Nur, ce qui signifie et si vous lui obéissez vous serez guidé, wa in tuti'uhu tahtadu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici comment faire pour être guidé. Il nous dit et si vous lui obéissez vous serez bien guidé. Il peut arriver parfois que certaines personnes s'imaginent que ils peuvent trouver de la guidance en dehors de ce que Allah et son messager ont révélé, et que on peut trouver une guidance dans la façon dont on vit, dans la façon dont on agit, dans la façon dont on pense, dans la façon dont on mange, ou peu importe la façon qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Ils pensent qu'on pourrait trouver plus de guidance en dehors de ce que Allah et son messager ont révélé, et qu'on pourrait contredire ce que Allah et son messager ont enseigné et ont ordonné ou ont interdit. On pourrait trouver dans ces commandements-là et dans ces enseignements-là yani une guidance supérieure en dehors de ça. Et ça, c'est l'égarement absolu et l'égarement total. Donc, si par exemple, quelqu'un, il aurait un doute au sujet du suivi de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il s'imagine que peut-être que si je désobéis au messager dans telle ou telle affaire, ce ne serait pas un égarement. Peut-être que je peux désobéir à Allah et son messager et je serai quand même bien guidé. Hein? Eh bien ça, c'est clair que c'est uniquement une ruse du shaitan. Et la vérité dans ce sujet-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avertit justement pour qu'on sache que de désobéir à Allah, c'est de l'égarement. Yani, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. Donc, si tu lui obéis, tu seras guidé. Si tu lui désobéis, tu seras égaré. Hein? Vous voyez ça dans tous les versets. Le verset qu'on a lu tantôt. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Celui qui désobéit à Allah et son messager s'est égaré d'un égarement évident. Et là, dans l'autre verset, il dit وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُ. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Donc, le sujet est clos. L'affaire est claire. Mais malheureusement, certaines personnes, ils n'ont pas, hein, ils ont une foi faible ou bien ils ont peu de conviction. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ils veulent faire le test. Hein? Ils veulent expérimenter les choses par eux-mêmes. C'est comme un enfant. Hein? Tu dis à un enfant, là, ça c'est du feu, c'est chaud, ça brûle. Il ne faut pas toucher. Mais l'enfant, il n'écoute pas. Hein? Et il ne prend pas de leçons. Alors, il veut goûter à ça lui-même pour comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre son doigt. Puis, quand il va mettre son doigt, il va se brûler, il va comprendre que ça brûle. Après, il va dire, ah, mais finalement, c'était vrai. Hein? Ça, c'est quelque chose qui brûle. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit dans le verset, si tu lui obéis, tu seras guidé. Si tu désobéis, tu vas être égaré. La personne qui n'est pas convaincue de ça, elle va faire l'expérience. Elle va dire, bon, moi, je veux voir si ça, c'est vrai. Et elle va désobéir et elle va s'égarer. Et là, après, elle va réaliser. Subhanallah. Hein? Allah, il a dit la vérité. Et le messager avait dit la vérité. Je me suis clairement égaré maintenant. Et ça, c'est si il a assez de clairvoyance et de compréhension et de connaissance pour être capable de reconnaître qu'il est égaré. Parce que malheureusement, beaucoup d'êtres humains qui sont à cause de leur ignorance, à cause de leur aveuglement, ils constatent même pas qu'ils sont égarés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, وَمَنْ يَعْشُوا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Hein? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit, quiconque s'aveugle ou se détourne du Coran, on va lui attribuer un shaytan qui va être son compagnon. Hein? Il se séparera plus de lui. Et il va lui bloquer le chemin et l'empêcher de prendre le chemin vers le bien. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Et il dit وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Et malgré qu'ils sont en train de suivre l'égarement et d'être dans l'égarement, ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ils vont s'imaginer qu'ils sont bien guidés malgré tout. Et c'est ça qui arrive malheureusement à la plupart des gens. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Le shaitan leur a embelli leurs actions. Donc, même quand ils font du kufr, même quand ils font du shirk, même quand ils font des fawahish, même quand ils font des kaba'ir, même quand ils font des bid'ah, même quand ils font des péchés, le shaitan leur embellit ça et eux, ils s'imaginent qu'ils sont bien guidés et ce qu'ils font est bon. Parce que le shaitan leur a démonté le cerveau et il a remonté à l'envers. Alors, qu'est-ce qui arrive? Leur cœur est corrompu, ils voient le bien comme étant mal, ils voient le mal comme étant bien. Et ils sont plus capables de distinguer entre le vrai et le faux, hein, à cause de leur péché. Parce que le péché, hein, ça crée sur le cœur de la rouille. Hein, c'est comme le cœur qui rouille. Plus on s'enfonce dans le péché, plus le cœur devient rouillé, et plus le cœur devient rouillé et sale, et plus il devient difficile pour lui de distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le faux. C'est très compliqué pour le cœur dans ce cas-là, par la suite, de trouver la vérité, alors il s'égare, il s'aveugle. C'est comme un aveugle qui marche dans le noir. Hein? Non seulement il est aveugle, mais en plus il marche dans le noir. Hein? Donc même s'il retrouvait la vue, il verrait rien parce qu'il est dans l'obscurité totale. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il explique maintenant l'autre verset dans surat An-Nur verset 63. Il dit que ceux qui contredisent son commandement ou qui s'opposent à son commandement, yukhalifuna an amrihi, falyahzar. C'est-à-dire qu'ils fassent attention, qu'ils prennent garde. فَلْيَحْذَرْ. Hein? Ça veut dire, sois sur tes gardes, fais attention. Hein? Préserve-toi. فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يصيبهم عذاب أليم. Donc que ceux qui contredisent son commandement, qu'ils prennent garde, qu'ils soient frappés par une fitna. Et on va voir qu'est-ce que c'est la fitna ici. أو يصيبهم عذاب أليم, ou bien peut-être qu'ils seront frappés par un châtiment douloureux. Cheikh Al-Fawzan, il explique le verset et il dit: هذا وعيد من الله عز وجل لمن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة في قلبه وهو الشرك والزيغ والعياذ بالله أو عذاب أليم, أي عقوبة عاجلة أو آجلة بالقتل أو بتلف الأموال والأولاد, هذا في الدنيا وفي الآخرة عذاب النار والعياذ بالله. فالذي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم متوعد بهاتين العقوبتين, عقوبة قلبية وهي الفتنة أن يصرف قلبه عن الحق وهذا أشد, وعقوبة بدنية بأن يصاب في بدنه بعقوبة مرض أو قتل أو ضرب أو غير ذلك, هذا في الدنيا وفي الآخرة عذاب النار أشد وأنكى. Donc voici comment le cheikh il a expliqué ce verset. Et il dit, c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quiconque a contredit le messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sera frappé et touché par une fitna, hein, une épreuve, hein, une épreuve dans son cœur. Et cette épreuve dans son cœur, ce sera soit du shirk ou de la déviation. Zayr. Shirk ou zayr. Shirk, ça peut être du shirk majeur, ça peut être du shirk majeur, et ça c'est le kufr, c'est dans ce cas-là, la personne elle est complètement égarée, hein. Ou bien ça peut être du shirk mineur, hein, et ça aussi c'est très dangereux. Ou zayr, c'est de dévier dans ta croyance, dans ta compréhension de la religion, dans ta pratique de la religion. Donc Allah il te menace dans ce verset que si tu dois faire attention, que si tu désobéis au messager, tu vas être frappé dans ton cœur par une épreuve, par une fitna, et c'est-à-dire que dans ton cœur il y a du shirk qui va rentrer ou de la déviation qui va rentrer à cause de ta contradiction, à cause de ta désobéissance. Et l'autre châtiment qui est mentionné, ou un châtiment douloureux, le cheikh il dit, c'est-à-dire un châtiment qui va te toucher soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Et quand on dit dans cette vie d'ici-bas, ça peut être par que quelqu'un par exemple il se fait tuer, ou bien il perd tous ses biens, ou bien ses enfants sont frappés, ou bien d'autres châtiments dans la dunya. Hein? Donc tout ça, ça fait partie des châtiments qui risquent de t'atteindre dans cette vie d'ici-bas, hein? Et dans l'au-delà, il y a le châtiment de l'enfer, wal'iyadu billah, que Allah nous préserve. Et le cheikh il dit donc, celui qui a contredit le messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, eh bien il est menacé de ces deux châtiments, un châtiment du cœur qui est la fitna, l'épreuve, c'est-à-dire que son cœur va être détourné de la vérité, et ça c'est le plus grave, le plus dangereux. Et le deuxième, c'est le châtiment du corps, c'est-à-dire d'être frappé dans son corps par une maladie, par la mort, ou bien par d'être frappé d'une façon quelconque dans la dunya, hein. Et il dit, et dans l'au-delà, le châtiment du feu qui est encore plus sévère et plus dur. Ensuite, le cheikh il dit, il cite les paroles de l'imam Ahmad, donc Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit: قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته, يعني عرفوا الإسناد وعرفوا صحة الإسناد, يذهبون إلى رأي سفيان الثوري, إمام من أئمة السلف من العلماء الكبار في الأمة, يعني عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الإمام أحمد بعد ذلك: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعد قوله، يعني رد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقد انتهى كلام الإمام أحمد، ويقول بعد ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسد: وقد وقع التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليها عليهم الخطأ على قوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما العلماء كما لا يخفى. Donc le cheikh il explique. Pardon. Le cheikh il explique maintenant la parole de l'imam Ahmad. Je vais la traduire en premier. L'imam Ahmad il a dit: je m'étonne des gens. Ils connaissent l'isnad. Qu'est-ce que c'est l'isnad? L'isnad, c'est la chaîne de narrateur d'un hadith. Chaque hadith qui est rapporté du messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle est précédée par qu'est-ce qu'on appelle en arabe une isnad. Donc le hadith, lorsqu'on parle du hadith, il est divisé en deux parties. Le matn et l'isnad. Peut-être si je vous donne un exemple. Donc si on regarde dans le livre de hadith, chaque hadith qui est mentionné, il y a toujours une isnad. Par exemple, le hadith suivant: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. Donc l'imam muslim, c'est lui qui dit ça. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع عن سفيان حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر، قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc ça, un hadith qui est connu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui qui voit d'entre vous, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable de le changer par sa main, qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable de le changer par sa langue, alors qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le plus faible de la foi. C'est le plus faible, le niveau le plus faible de la foi. Donc ça, qu'est-ce qu'on vient de lire maintenant? Ça, c'est le matn, le texte du hadith. Mais le texte du hadith, il est précédé par une isnad. Et l'isnad, c'est la chaîne, le nom des narrateurs qui précèdent, qui nous informent de qui a rapporté ce hadith-là du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on dit ici que ce hadith il est rapporté par l'imam muslim. Lui il l'a entendu de Abu Bakr ibn Abi Shayba, un des imams parmi les ulama du hadith. Et lui, Abu Bakr ibn Abi Shayba, de qui il l'a entendu? Il dit il l'a entendu de Waqi'. Waqi' c'est également un des grands imams parmi les salafs. Et Waqi' c'était un des professeurs même de l'imam al-Shafi'i. Et après, il dit que Waqi' lui-même, il l'a entendu de qui? De Soufiane. Et puis après, il y a une autre branche, un embranchement dans la chaîne. Il dit, et également, j'ai entendu ce hadith de Muhammad ibn al-Muthanna. Donc il mentionne une autre source pour ce même hadith. Muhammad ibn al-Muthanna. Et lui, Muhammad ibn al-Muthanna, il dit, moi je l'ai entendu de Muhammad ibn Ja'far. Et Muhammad ibn Ja'far, il dit, Shu'ba me l'a rapporté. Hein? Moi je l'ai entendu de Shu'ba. Shu'ba, c'est, lui aussi, c'est un des grands imams parmi les imams du hadith. Et même c'est un des critiques, parmi les critiques des narrateurs. Il était très, très sévère, hein, par rapport à la critique des narrateurs et des rapporteurs de hadith. Il est connu comme ça. Et il dit, tous les deux, ils l'ont entendu de Qais ibn Muslim. Et Qais ibn Muslim, il le rapporte selon Tariq ibn Shihab. Hein, et Tariq ibn Shihab, yani, ça c'est un des imams également. Et il dit, et lui il a entendu ce hadith de Abu Bakr. Ça c'est le même hadith que le hadith d'Abu Bakr, c'est-à-dire Ibn Abi Shayba. Donc il dit, il a dit que le premier qui a commencé la khutbah, avant, c'est-à-dire, vous savez que la sunnah, le jour de Eid, c'est de commencer par la salat en premier, puis après, quand l'imam il finit la salat, il va faire la khutbah. Ça, c'est le jour de Eid. Mais il y a quelqu'un qui avait voulu changer ça à cette époque-là, hein, et c'est lui le premier qui a inversé les choses. Hein. Il a voulu faire la khutbah en premier, puis faire la salat après. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit, quand je fais la khutbah après, tout le monde s'en va. Alors lui, il a voulu que les gens restent, les forcer à rester, alors il a fait la khutbah en premier. Puis après, il a fait la salat. Alors, c'était qui? C'était Marwan, hein, qui est le premier qui avait fait ça. Marwan qui avait fait ça. Je pense que Marwan, c'est le fils de Abu Sufyan. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Hein, Abu Sufyan, radiyallahu anhu. Abu Sufyan, c'était pas Abu Sufyan, c'était, pardon, Muawiyah. Muawiyah, Marwan, c'était le fils de Muawiyah, le fils de Abu Sufyan, hein, radiyallahu. Donc, yani, Abu Sufyan, c'est un sahabi parce qu'il s'est converti à l'islam. Et Muawiyah était un sahabi aussi parce qu'il s'était converti à l'islam. Donc, radiyallahu anhuma. Donc, tandis que Marwan, c'était un tabi'i, hein, si je me trompe pas, donc, naam. Donc, c'est lui le premier qui avait fait ça. Il avait fait, yani, la khutbah avant la salat. Alors, il y a un homme qui s'est levé, puis il lui a dit, la salat est avant la khutbah, hein, pour lui faire le rappel, pour lui clarifier la chose, parce que peut-être, hein, il dit peut-être qu'il ne savait pas, ou peut-être qu'il s'est trompé. Et lui, il a répondu, yani Marwan, il a répondu, yani ghafarallahu lah, il a dit, qad turika ma hunalik. C'est-à-dire, ça a été délaissé maintenant. Ça y est, on suit plus ça maintenant. Alors, Abu Saïd, qui était présent, il a dit, celui-là, il a fait ce qui était obligatoire pour lui. C'est-à-dire, celui qui avait dit au dirigeant à ce moment-là, Marwan, yani, c'est la salat qui vient avant la khutbah, lui il a fait son devoir, hein, qad qada ma alayhi. Il dit, parce que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, quiconque d'entre vous voit un munkar, un mal quelconque, alors qu'il le change par sa main, s'il n'est pas capable de le changer par sa main, qu'il le change par sa langue, qu'il le change par son cœur, et cela est le niveau le plus faible de la foi. Donc, ça c'était uniquement pour vous donner l'exemple et pour vous expliquer de quoi est composé le hadith. Il est composé de deux parties, l'isnad et le matn. Et les ulama de hadith, hein, ils mémorisent non seulement le matin du hadith, mais ils mémorisent l'isnad par cœur aussi. Un savant de hadith, un muhaddith, il ne peut pas être un muhaddith s'il n'a pas mémorisé l'isnad. Donc tous les imams de la sunna, ils mémorisaient l'isnad du hadith comme ils mémorisaient le hadith aussi. D'accord? Et ici, l'imam Ahmad, qui fait partie justement de ces grands imams parmi les imams du hadith, c'est lui qui a recueilli le recueil de hadith qu'on appelle la musnad de l'imam Ahmad. C'est un grand muhaddith, un grand savant. Et on l'appelle aussi imam ou ahl sunnah, parce que c'est un des ulama qui a défendu et supporté la sunnah à l'époque de la fitna de Khalq al-Qur'an, à l'époque des Mu'tazila. Donc il a fait beaucoup pour supporter la religion de l'islam et la sunnah. Et donc il dit dans cette citation, il dit: je m'étonne des gens qui connaissent l'isnad du hadith. Parmi les musulmans, combien de musulmans connaissent l'isnad d'un hadith? La plupart des musulmans, s'ils connaissent un hadith, ils se limitent à connaître son texte. Mais combien d'entre eux connaissent l'isnad du hadith? Très peu. Et là, l'imam Ahmad, il est en train de parler des ulama, des gens qui connaissent l'isnad. Donc il dit: je m'étonne des gens qui connaissent l'isnad. Et non seulement ils connaissent l'isnad, mais ils connaissent son authenticité. Parce que les ulama, quand ils veulent savoir l'authenticité d'un hadith, ils se réfèrent à sa chaîne de transmission, sa chaîne de narrateur, pour déterminer si le hadith est authentique ou non. هل هو موصول هل هو يعني هل هو يعني متصل متصل من بداية سنده إلى نهاية سنده وهل الرواة est-ce que les narrateurs de ce hadith هل كلهم ثقات هل كلهم أثبات يعني فإل vérifie ça. Il voit si par exemple s'il y a un narrateur dans l'isnad qui est un menteur, ou si quelqu'un qui fabrique les hadiths, ou bien s'il y a un narrateur dans l'isnad qui a une bid'a, ou s'il y a un narrateur dans le hadith par exemple qui a une mémoire qui est faible, il fait des erreurs, tout ça il le mentionne. Donc il dit: je m'étonne des gens qui connaissent l'isnad et qui connaissent son authenticité et qui malgré ça préfère aller vers l'opinion de Soufiane al-Thawri. C'est-à-dire, ils délaissent le hadith authentique et la sunna, puis ils prennent l'opinion d'un savant parmi les savants. Soufiane al-Thawri, rahmahullah, c'est un parmi les grands imams parmi les salafs. Peut-être du même calibre que l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad, c'est dans la même calibre de ces ulama, de ces grands imams, l'imam Soufiane al-Thawri, l'imam al-Layth ibn Sa'd en Égypte, l'imam par exemple al-Awza'i qui était en Cham, donc l'imam al-Awza'i, tous ces grands imams là sont des imams des salafs, ils ont un madhab, comme l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, c'est les quatre madhahib qui sont les plus connus. Mais il faut pas s'imaginer qu'il y avait que ces quatre madhahib là. Non. En réalité, il y a beaucoup plus que quatre madhahib parmi les madhahib des ulama de la sunna. Sauf que les autres madhahib des imams qui existent, eh bien, leurs madhahib à eux n'ont pas été aussi bien préservés que le madhahib de ces quatre grands imams. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, ils sont moins connus que les autres, que les quatre. Mais ils avaient eux aussi un madhab comme les quatre grands imams des madhahib. D'accord? Et c'est important aussi de mentionner en passant que ces quatre imams, parmi les imams de Ahl Sunna, il ne faut pas s'imaginer que c'est eux-mêmes qui ont eu l'intention de fonder ces madhahib ou de créer ces madhahib. C'est-à-dire que ce n'est pas Abu Hanifa ou Malik ou Shafi'i ou Ahmad, rahimahumullah, ce n'est pas eux qui se sont réunis puis qui ont dit: bon, aujourd'hui je vais fonder un madhab, ou comme des fois, comme on le traduit en français par l'école. On dit c'est une école de fiqh. Hein? Donc les gens s'imaginent que c'était une école, donc il y avait par exemple un bâtiment et que c'était écrit donc Madhhab al-Shafi'i devant, puis que les gens rentraient, puis que s'il y avait à l'intérieur une école pour enseigner le madhhab. Non, c'est pas comme ça. Hein? Le terme madhhab, ça désigne en réalité les positions et les opinions de ces différents imams. C'est ça que ça veut dire le madhhab d'un imam. Le madhhab d'un imam, ça veut dire ses positions et ses opinions, hein, ses ijtihadat et ainsi de suite. Et parmi ces imams, eux, ces imams-là, ils avaient des élèves. Parmi ces élèves, il y en a qui ont retranscrit leurs positions et leurs opinions et qui les ont regroupés par sujet et qui les ont enseignés et par la suite qui les ont propagés dans le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve les madahib de ces imams qui sont enseignés jusqu'à aujourd'hui. Et aussi parfois c'était pour des raisons politiques, parce que certains dirigeants se référaient par exemple au madhab de tel imam et par conséquent ils imposaient aux musulmans de la région où ils étaient, où ils avaient le pouvoir, ils imposaient à ces musulmans-là de suivre les positions et les opinions de cet imam. Et donc par conséquent les musulmans de cette région-là, eh bien ils étaient, on va dire par conséquent, ils étaient dans l'opinion de cet imam. Mais c'est pas quelque chose qui a été organisé ou calculé par les imams eux-mêmes. Eux non, parce que pourquoi? Il y a beaucoup d'imams avant eux qui eux aussi avaient des positions et des opinions et qui ont enseigné à leurs élèves, pourtant on n'a pas préservé leur madhhab. Et encore aujourd'hui par exemple l'imam Ibn al-Qayyim il dit on n'a pas le madhhab de Abu Bakr Abu Bakr al-Siddiq, ou le madhhab de Omar ibn al-Khattab, ou le madhhab de Ali ibn Abi Talib, hein, ou le madhhab de Uthman ibn Affan, ou de Ali ibn Abi Talib. On ne les a pas leurs madhhab aujourd'hui. Pourquoi? Hein, pourquoi on a pas ces quatre madhhab? Hein, pourquoi on suit à la place maintenant, on dit il y a quatre madhhab, Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad, pourquoi? Mais c'est des yani, Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que ces quatre soient préservés et ça s'est propagé. Sinon il y a d'autres imams comme Al-Layth ibn Sa'ad, l'imam Al-Shafi'i, il a étudié avec Malik, hein, il a étudié avec l'imam Malik rahimahullah, et quand l'imam Malik il a fini d'étudier avec l'imam Malik, il a quitté Al-Madinah, il est parti vers l'Égypte. Et en Égypte, il voulait étudier avec l'imam Al-Layth ibn Sa'ad. Al-Layth ibn Sa'ad, c'est un des grands imams aussi parmi les imams des salafs. Et lorsqu'il est arrivé en Égypte, eh bien, il est arrivé et l'imam Al-Layth ibn rahimahullah était déjà mort. Donc, il n'a pas pu étudier avec cet imam. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a étudié avec ses plus grands élèves. Donc il a dit, puisque je ne peux pas étudier avec l'imam lui-même, donc je vais prendre sa science de ses élèves, de ses grands élèves qui ont étudié avec lui. Et quand il a fini d'étudier avec ses plus grands élèves, il a dit, « Kana al-Layth afqah min Malik. » L'imam al-Shafi'i, il a dit, l'imam al-Layth ibn Sa'd était plus fort dans le fiqh que Malik. Donc c'est pour dire, lui-même l'imam al-Shafi'i, il est bien placé pour savoir, puisqu'il était l'élève de Malik, et il a étudié avec les élèves de Al-Layth, et il peut comparer entre les deux. Et il a eu cette opinion-là. Donc c'est pour dire, hein, les imams, ils ont été souvent les élèves les uns des autres. Hein. Tu vois par exemple, l'imam al-Shafi'i, il a son mazhab. Pourtant, il a étudié avec l'imam Malik. Pourquoi l'imam al-Shafi'i n'a pas dit « Moi, je vais prendre toutes les positions de l'imam Malik et je vais le suivre, lui. Je vais être Maliki. » Pourquoi l'imam al-Shafi'i n'a pas dit « Moi, je vais être Maliki. » Pourtant, il était élève de l'imam Malik. Parce que les imams eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas infaillibles. C'est seulement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est infaillible. Hein? Donc, si l'imam chef, et lui, il a étudié dans les positions de l'imam Malik, et il a considéré que parmi ses opinions, certaines étaient correctes et d'autres, il considérait qu'il y avait des meilleures opinions que ça, il a organisé et fait son madhab à lui en fonction de la compréhension et des preuves qu'il avait. Et même que l'imam chef, on dit qu'il avait deux madhabs pendant sa vie. Hein? Le madhab quand il était en Irak, puis quand il est parti en Égypte, il a changé son madhab. C'est pour ça que les ulama, les shawafi, les shafi'iyya, ils disent al-qadim wal-jadid. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, il avait al-qadim, le madhab al-qadim, ou le madhab al-jadid. Hein? Pourquoi il a changé son madhab? Parce qu'il a reçu des hadiths en Égypte qu'il ne connaissait pas quand il était en Irak. Et donc, il a ajusté et changé son madhab par rapport aux nouvelles connaissances qu'il a acquis. Et l'imam al-Shafi'i, il a étudié avec l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal a étudié avec l'imam al-Shafi'i aussi. Parmi leurs chouyouch, ils ont étudié les uns avec les autres. Donc, ce qui fait que ils ont une compréhension, une connaissance, et ils se connaissent tous les uns les autres. Et ce sont tous des imams parmi les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc ici, c'est pour ça que l'imam Ahmad, il dit, je m'étonne des gens qui connaissent l'isnad du hadith, et ils connaissent son authenticité, et malgré ça, ils préfèrent suivre l'opinion de Soufiane, al-Thawri. Hein? Et donc, je vais terminer la citation. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux qui contredisent son commandement, c'est-à-dire le commandement du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il explique le verset, il cite le verset, et moi je traduis le sens de ce verset. Il dit donc que ceux qui contredisent son commandement prennent garde, qu'ils fassent attention d'être frappés par une fitna, comme on l'a expliqué, ou qu'il soit frappé par un châtiment douloureux. Et l'imam Ahmad, il dit, est-ce que tu sais ce qu'est la fitna? La fitna, c'est le shirk. Et il dit, peut-être que la personne, lorsqu'elle va rejeter des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour suivre la parole de quelqu'un d'autre, qui est pas infaillible, qu'il y ait une déviation qui rentre dans son cœur, ou qui tombe sur son cœur, et qu'il s'égare, et qu'il périsse à cause de ça. Donc ça, c'est la citation qui est très célèbre de l'imam Ahmad, rahimahullah, elle est connue, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il l'a mentionné même dans un des chapitres de son livre, Kitab Tawhid. Donc, elle va revenir plus loin, cette citation-là. Et il y a des citations semblables également de la part des compagnons aussi. Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam le compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui a dit yani aqulu lakum qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa taquluna Abu Bakr wa Umar, lorsqu'il leur a ordonné de faire le hajj tamattu, et eux ils ont dit oui mais Abu Bakr, les autres ont dit oui mais Abu Bakr Umar, eux ils faisaient telle autre chose, et lui, Abdullah ibn Abbas, il dit, j'ai peur que des pierres vous tombent sur la tête du ciel. Moi, je vous dis, qala Rasulullah, vous me répondez, Abu Bakr Omar, comme si vous voulez mettre Abu Bakr Omar au même degré que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, tout ça, c'est pour nous dire que peu importe le degré, le respect qu'on peut avoir pour quelqu'un, du moment que c'est pas le messager d'Allah, on n'a pas le droit de prendre sa parole et de la mettre au-dessus de la parole du messager d'Allah, peu importe qui il est, sans exception. Parce que c'est seulement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est infaillible dans la transmission du message d'Allah. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, « Ya'ni, ajiba al-imam, ou ajaba al-imam Ahmad, rahimahullah, min qawmin, عرفوا يعرفون صحة الحديث ثم يخالفونه إلى اجتهاد بعض العلماء ويقولون قال فلان، فإذا خالف قول فلان قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز الأخذ به وإن كان إماما جليلا مثل سفيان الثوري. فالأئمة رحمهم الله يجتهدون ويريدون الحق، ومنهم من يصيبه ومنهم من يخطئه، فليسوا معصومين، وهم لا يعتمدون لا يتعمدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن حصل منهم شيء من المخالفة فإنه من غير قصد، فهم معذورون رحمهم الله ومأجورون على اجتهادهم، ولكن لا يجوز لنا وقد عرفنا الخطأ أن نتبعه، وإن كان قول سفيان أو قول الإمام أحمد أو قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي لا يجوز أن نأخذ أقوالهم المخالفة، فالعصمة ليست لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. Donc le cheikh il dit que l'imam Ahmed il s'étonne ici de certaines personnes qui connaissent l'authenticité d'un hadith puis qu'ils le contredisent pour suivre le jugement ou l'opinion d'ijtihad de certains parmi les ulama et qui disent un tel a dit. Tu lui mentionnes le hadith du messager et tu dis oui mais un tel parmi les imams ou les savants ont dit telle ou telle chose. C'est-à-dire, on dit le contraire de ce que le messager a dit dans le hadith. Hein? Donc l'imam Ahmed, il s'étonne de ça. Il dit, comment vous pouvez agir comme ça? Hein? Je vous dis, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » et vous me répondez, « Wa qala fulan wa fulan » hein? Donc le cheikh, il dit, « Donc si la parole de quiconque vient en contradiction avec la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on n'a pas le droit de prendre cette parole qui contredit celle du messager. Même si la personne qui a contredit la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, est un grand imam respecté comme l'imam Sufyan al-Thawri. Il dit parce que les imams, que Allah leur fasse miséricorde, ils font des efforts, ils cherchent la vérité. Et parmi eux, parfois, il y en a qui arrivent à atteindre la vérité. Parfois, il y en a qui peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs. Ils ne sont pas infaillibles. Et lorsqu'ils font une erreur, et lorsqu'ils contredisent le messager, ils ne font pas cela volontairement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas contredire la sunna intentionnellement. Ce n'était pas ça leur intention. C'est parce qu'ils se sont trompés. Leur intention, c'était la vérité. Leur intention, c'était d'arriver à atteindre la sunna. Mais ils ont contredit involontairement cette vérité. Parce qu'ils sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Donc, ils peuvent se tromper, c'est normal. Et parce que ce sont des ulama, et parce qu'ils ont fait des efforts pour atteindre la vérité, ils sont excusés de ces erreurs-là. Et ils seront récompensés pour leur effort et pour leur ijtihad. Toutefois, du moment que nous avons su l'erreur qu'ils ont faite, il n'est plus permis pour nous, une fois que nous l'avons compris et que nous avons su que c'est une erreur, nous n'avons plus le droit de les suivre. C'est-à-dire, si tu vois que un imam parmi les imams de l'islam, il a fait une ijtihad et il a jugé que telle chose c'était le jugement. Hein, il a dit telle chose c'est permis ou telle chose c'est interdit ou telle chose c'est licite ou telle chose c'est illicite ou des choses comme ça. Et que toi tu trouves le hadith authentique par la suite qui clarifie que qu'est-ce qu'il faut suivre c'est telle chose et que cet imam là il s'est trompé dans cette position là. Alors une fois que tu as su qu'il a fait une erreur, tu n'as plus le droit de le suivre. tu peux pas dire comme certains, par exemple, aujourd'hui, ils disent, ah, mais, je sais qu'il s'est trompé, mais je le suis quand même parce que c'est un imam et je le respecte. Hein? Même si c'est un imam et même si tu le respectes, si tu le respectes, eh bien, dans ce cas-là, tu dois comprendre que lui-même, il n'a pas voulu ça de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a le respect absolu de notre part. Il mérite qu'on le respecte beaucoup plus encore et qu'on ne place pas la parole de quelqu'un au-dessus de la sienne. Et aussi, les imams eux-mêmes ont interdit à leurs élèves de les suivre lorsqu'ils font une erreur. Et ils ont dit, hein, « إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي » Ils ont dit, si le hadith il est sahih, il est authentique, c'est ça mon madhhab, laisse tomber ma parole. Hein? L'imam Malik, il disait, kullun yani yukhti wa yusib, hein? Illa sahibu hadha al-qabr. Il parlait du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Yani toute personne, il peut avoir raison comme il peut se tromper, excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, les imams, parmi les paroles qui sont rapportées à leur sujet, ils disent, si vous trouvez, hein, mon opinion qui vient en contradiction avec celle du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, prenez ma parole et lancez-la sur le mur. En voulant dire, hein, laissez-la tomber, ma parole, et suivez la sunna. Hein. Et l'imam Ash-Shafi'i, et l'imam Malik, et l'imam Ahmad, et l'imam Abu Hanifa, ils ont tous des paroles dans ce sens-là. Et ils ont tous des citations qui expliquent ça. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il cite ces paroles-là de ces imams dans son livre, I'lam al-Muwaqqi'in, An Rabbil Alamin. Et il traite de ce sujet-là de manière approfondie. Et il réfute ceux qui appellent au taqlid aveugle, au suivi aveugle des madhahib. Hein, parce qu'il y a des gens même qui disent, si tu suis un madhab, t'es obligé de suivre dans tout ce qu'il y a dans ce madhhab, du début jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que pour eux, tu prends le livre de fiqh, peu importe le madhhab, tu lis et tu l'appliques comme si c'était le Coran. Hein? Et donc tu dois rien déroger et tu dois jamais sortir de ce qui est dans le madhhab. Hein? Alors que dans le madhhab, il peut y avoir des positions qui sont incorrectes et qu'il peut y avoir des erreurs. Hein? Donc, de penser de cette manière-là, c'est une erreur. Et il y en a même qui sont allés jusqu'à l'extrême de dire que si quelqu'un refuse de suivre un madhhab, il devient kafir. Il y a certaines personnes qui sont allées à cet extrême. Que si tu sors d'un madhhab ou tu refuses de suivre le madhhab, que tu deviens kafir dans ce cas-là. Allah al-musta'an. Le ta'assub, ça c'est ce qu'on appelle le fanatisme. Hein? Eh bien, ça a amené des gens à faire des choses, yani, qui ont divisé les musulmans. Yani, à un certain moment donné, même à Mecca, hein, il y avait 4 mihrabs. 4 mihrabs. Un pour chaque madhab. Et les gens, au lieu de prier en jama'a autour de la Kaaba, derrière un seul imam, ils priaient chacun leur tour. Derrière l'imam de leur madhhab respectif. Donc ils faisaient la salat, les Shafi'iyyah priaient derrière les Shafi'iyyah, les Hanafiyyah priaient derrière les Hanafiyyah, les Malikiyyah derrière les Malikiyyah et les Hanabila derrière les Hanabila. Hein? Et dans certains pays, certains des fuqaha de ces pays-là, ils ont dit, par exemple, ils disaient, bon, une Shafi'iyyah, un chef il peut épouser une hanafiya, mais une hanafiya ne peut pas épouser un shafi'i, ou des choses comme ça. Yani, on retrouve des exemples de ça dans les livres de fiqh dans certains pays. C'est-à-dire que la fitna et le ta'assub est arrivé à un point tel que ça a amené même les gens à tomber dans ce genre d'extrémisme et d'exagération et de division de la Ummah. Et par exemple, on retrouve aussi dans certains pays, par exemple, certains disaient, bon, les Hanafiyas, on n'a pas le droit de prier derrière eux. Donc si tu vois que l'imam, c'est un imam Hanafi, tu ne pries pas derrière lui. Pourquoi? Parce que dans notre madhab, il y a certaines conditions de la prière que les Hanafiyas, eux, ils ne respectent pas. Ou bien, ils ont des divergences avec nous dans la tahara, dans la purification. Et eux, ils considèrent que telle chose, c'est pas obligatoire dans le tahara, alors que nous, on considère ça. Hein? Donc, dans ce cas-là, on va pas prier derrière eux, hein? Ou des choses comme ça. Donc, tout ça, ça a amené à, yani, des divisions et de la fitna. Et c'est pour cette raison-là que, alhamdulillah, les ulama de Ahl Sunnah, ils ont toujours combattu ça. Ils ont combattu toutes ces formes de ta'assoub. Et cette asabiyya, cette taqlid, l'arma, et ils ont ramené les gens à la source, à la référence de base. C'est-à-dire que les ulama de Ahl Sunnah, ils n'ont pas critiqué ou condamné le fait d'appartenir à un madhab en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit pour un musulman d'être maliki ou d'être shafi'i ou d'être hanbali ou d'être yani ou de suivre un madhab parmi les madhahib. Ce n'est pas interdit. Le problème, qu'est-ce qui est interdit, c'est lorsque tu vas être fanatique et que tu vas prendre tout ce qui est dans le madhab sans être critique et sans ramener les choses aux sources et aux preuves. Donc, si quelqu'un, par exemple, il dit, bon, moi je suis le madhab al-Hanbali, mais il voit par exemple que dans le madhab al-Hanbali, il y a certaines masail, certaines questions, certains sujets dans lesquels l'imam Ahmad il s'est trompé, ou bien certains des fuqaha al-Hanab ils se sont trompés. Ils disent bon, dans ces questions là hein, je suis pas en accord avec le madhab, je vais suivre le Coran et la Sunna, hein. La même chose dans le madhab al-Maliki, la même chose dans le madhab al-Shafi'i, la même chose dans le madhab al-Hanbali. Si quelqu'un il approche le madhab de cette façon et qu'il est ouvert, dans ce cas là il n'y a pas de mal de suivre le madhab. Hein, parce que de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, tous ces imams c'étaient des élèves les uns des autres. Hein. Mais s'il devient fermé et fanatique, il ne veut pas prendre de la vérité qu'on lui apporte. Hein, lorsque son imam contredit la vérité par erreur, hein, et des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, hein, ça c'est blâmable et ça c'est dangereux. Et c'est ce qui peut amener, comme l'imam Ahmad a dit, à que la personne ait une fitna dans son cœur parce qu'elle a contredit la sunna sciemment et consciemment. Et donc ici le cheikh il dit ensuite, donc il n'est pas permis donc pour nous, une fois qu'on a connu l'erreur, de la suivre. Il dit même si c'est la parole de Soufyan al-Thawri ou de l'imam Ahmad ibn Hanbal ou de l'imam Abu Hanifa ou de l'imam Malik ibn Anas ou bien de l'imam al-Shafi'i, hein, il n'est pas permis pour nous de prendre leurs paroles, leurs positions qui sont en contradiction avec la sunna. Il dit parce que l'infaillibilité, elle n'est pour personne d'autre que pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est celui qui ne parle pas selon la passion. Hein, in huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Et pour expliquer ensuite la parole de l'imam Ahmad encore, quand il cite le verset, hein, il dit, je m'étonne des gens qui prennent la parole de Soufiane, hein, et qui savent que le hadith est authentique, et il cite le verset, et le cheikh Al-Fawzan, il dit, فَإِذَا كَانَ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ وَهُوَ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ الْوَرْعُ التَّقِي الْفَقِيهُ الْمُجْتَهِدُ الْمَعْرُوفُ الْأُمَّةُ الْمُخَالِفُ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متوعدون بهذا الوعيد فكيف بمن يذهبون إلى رأي من هو أقل من سفيان رحمه الله من أنصاف المتعلمين وأصحاب الأهواء والبدع والمحدثات ويقولون هذه أقوال علماء ويأخذون بها وهي مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Ça, on retrouve cette attitude de la part de certains aujourd'hui, malheureusement. Donc le cheikh il dit si les gens prennent, donc si l'imam Ahmad il disait ça à propos de ceux qui prenaient l'opinion de Soufiane qui est un grand imam pieux hein, qui craignait Allah, qui se préserve, et qui était connu dans son fiqh, et qui était mujtahid, hein, connu dans la Ummah. Donc, lorsqu'il contredit la Sunna et qu'il suit l'opinion de Soufiane, il est menacé de cette menace qui est mentionnée dans le verset. Alors, que dire de ceux qui vont prendre l'opinion de quelqu'un qui est moindre que l'imam Soufiane al-Thawri, parmi ceux qui, hein, s'apparentent à la science, et parmi les gens de la passion et de la bid'a, ou des innovations, des choses inventées dans la religion, et qui les suivent, hein. Allah al-Musta'an. On retrouve ça aujourd'hui à notre époque. C'est un fléau. Des gens qui parlent au nom de la religion, hein, et qui contredisent la sunna ouvertement, hein. Et quand tu leur dis, ya akhi, ça c'est contraire à la sunna. Oui, mais un tel, il a dit, Yusuf al-Qardawi qala kaza, ana attabi', hein. Alors qu'il contredit non seulement, des fois, il contredit pas seulement le hadith, il contredit même le Coran, il contredit l'ijma', hein, dans les fondements de l'aqida. Allahul Musta'an. Ou Sayyid Qutb, ou bien d'autres parmi les munharifin. Et tout ça, c'est des exemples, hein, que des gens qui suivent la passion. Tu lui montres le hadith, il te dit, walakin, yani, qala fulan wa fulan wa fulan. Yani, Allahul Musta'an, est-ce que notre messager, hein, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est d'autres que Muhammad? Est-ce qu'il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs messagers qu'on doit suivre, ou juste Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Là, هناك نبي واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم أما غيره فليس أنبياء وليس رسلا. Sont pas les autres que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont pas des messagers. On n'a pas le droit de les suivre aveuglément et de leur obéir aveuglément, même lorsqu'ils se trompent. Donc, le cheikh, il dit, يقولون هذه أقوال علماء. Il dit, ça, c'est les paroles de ulama, et donc on les prend. Alors qu'ils savent qu'elle est en contradiction avec la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit, هذه الفتنة تصيب القلب والذي تصيب القلب أشد من الذي يصيب البدن. Donc cette fitna qui touche le cœur, hein, elle est plus dangereuse que la fitna qui touche le corps et le mal, le châtiment qui touche le corps. Puis le dernier point qu'on va lire maintenant, c'est, hein, la dernière phrase. Le cheikh, il dit donc, yani, on voit beaucoup de manquements dans le suivi. Hein, et des gens qui exagèrent dans le suivi d'autres que le messager, et qui mettent leur parole au-dessus de la parole du messager. Hein, et il dit, ils prennent la parole de ceux qui peuvent se tromper, et ils la mettent au-dessus du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Même des ulama, hein, comme c'est connu. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, إذا كان هذا في حق العلماء أنه لا يجوز تقليدهم فيما خالف الدليل فكيف يجوز تقليد الذين هم ليسوا من العلماء بمجرد أن قوله وافق الهوى أو وافق رغبة الناس هذا لا يجوز. Donc le cheikh, il dit, si on peut dire, on peut, l'imam Ahmed a dit ça à propos des ulama, hein, comme Soufiane al-Thawri rahimahullah, alors comment serait-il possible ou permis de suivre aveuglément quelqu'un d'autre qu'un imam ou un alim dans ce qui est en contradiction avec la preuve, hein? Comment serait-il possible de suivre aveuglément ceux qui ne sont pas des ulama uniquement parce que leur position ou leur parole est en accord avec notre passion ou en accord avec notre désir, hein? Ça, c'est pas permis. Donc on retrouve ça beaucoup à notre époque, hein? Et les gens parfois. Et si vous avez lu des livres de fiqh déjà, vous savez comment les ulama de fiqh écrivent leurs livres. Parfois, et surtout si vous allez dans les livres qui sont plus élaborés, al-mawsu'at fi al-fiqh, eh bien, c'est rare que les ulama ils mentionnent une seule position quand ils parlent d'un sujet. Si c'est un sujet dans lequel il y a des divergences, ils vont mentionner toutes les divergences. Il m'a dit, قال بعض العلماء كذا, قال بعض العلماء كذا, قال يعني قال فلان كذا, وقال فلان كذا. Quelqu'un qui n'est pas un alim, il va lire ça, il ne connaît pas les adillah, il ne connaît pas les qawa'id, il ne connaît pas les usul, donc il va prendre juste, il dit, ah, cette position, ça me plaît, j'aime cette position-là. Donc il va la supporter, il va la défendre, même si elle contredit le dalil. Parce qu'il suit sa passion en réalité, il ne suit pas la vérité. Donc il voit par exemple les choses, et ça tu le vois quand il y a des problèmes dans certaines questions, les gens, tu leur mentionnes les positions des ulama, et ils disent « Ah, moi je préfère celle-là ». Oui, mais c'est pas comme ça. Si c'était comme ça, ça veut dire on va faire pile ou face, alors on va tirer au sort, ou bien on va faire un vote. Hein? Celui qui dit ça, c'est comme s'il veut faire un vote sur une équation. Tu écris une équation au tableau. Hein? Y égale mx plus b. Hein? Puis tu mets des valeurs, tu dis ok, on va faire un vote. C'est c'est le nombre qui a la réponse qui a le plus de nombre de votes, c'est la réponse qui va être la gagnante. Hein? On ne peut pas voter dans des questions, dans des choses comme ça. Parce que c'est soit le vérité ou le faux. Si tu dis 1 plus 1 égale 2, hein, ça peut pas faire 3 ou 4 ou 5 ou 6. Et même si on dit on va faire un vote, combien va donner 1 plus 1? Et là, tu vois que la majorité des gens dans la mosquée, ils lèvent la main et disent ça vaut 3. Est-ce qu'on va dire, bon, ok, maintenant, à partir de maintenant, 1 plus 1 vaut 3 parce que la majorité a voté que ça vaut 3? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dalil, il a priorité. La preuve, il a priorité sur l'opinion des gens, peu importe le nombre. Donc, c'est pas une question de nombre aussi. Tu vas voir, par exemple, dans certains endroits, par exemple, la majorité des gens, ils disent, nous, on veut que ça se fasse comme ça. Puis tu leur amènes le dalil, le hadith, dans la sunna authentique, qui dit, non, il faut que ce soit de telle façon. Ils disent, oui, mais nous, on est majoritaire. Même si vous étiez 1 milliard de personnes et que vous venez contredire le hadith, c'est pas votre nombre qui va avoir le dessus sur la vérité. La vérité, elle est au-dessus, peu importe le nombre. Et ça, beaucoup de gens comprennent pas cette réalité-là. En tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, puis on continuera la suite, la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته